Bonjour, bienvenue sur la Voie Royale. Vous allez découvrir cette magnifique ville de Versailles à travers des hommes et des femmes qui nous parleront de leur métier, leur passion, des initiatives locales ou encore leur attachement à la ville.